Il est 3h03 dans le retour à choix live à commercialradioxplus.com. Si vous avez des choses à nous faire savoir, comment vous l'avez trouvé, vous autres, cette nouvelle-là, ce matin? Qui, en fait, se trimballe depuis un petit bout de temps. Apparemment, ça circulait depuis quelques temps, là, qu'il y avait une association à venir entre certains joueurs des Canadiens de Montréal et les restaurants McDonald's pour la création de nouveaux burgers qui porteraient leur nom. C'était le nom de c'est Brandon, hein, son prénom? Brandon Gallagher. Brandon Gallagher qui circulait le plus. Mais là, ben, voici qu'on ajoute celui de Daniel Brière. Honnêtement, ils l'ont pas caché fort fort. Non, parce que y a pas de secret là-dedans. Non, il y a quelques semaines, j'écoutais 24CH, puis ils plaçaient justement la journée où Brière et Gallagher, parce que bon, ça prenait un francophone puis un anglophone pour faire la pub nationale, qui allaient justement faire leur tournage de cette publicité-là. C'est là que ça a commencé à placoter un peu. C'est là que le monde a commencé à dire, hey, tu sais, il va avoir des hamburgers avec le nom des Canadiens dessus, puis bon, des burgers et des athlètes. Je sais pas si vous avez lu l'article ce matin. C'est dans le Soleil, l'association entre deux joueurs des Canadiens de Montréal et les restaurants McDonald's qui suscitent la grogne. Là, moi, je dis, tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Ils vont... Tu sais, y a-tu vraiment un scandale derrière ça? Et le scandale, en fait, ce sont les gens de la coalition Poids qui le voient plus que toute autre personne. Je sais pas pour vous autres, les gars, je sais pas si ça vous a scandalisé. Vince a l'air constamment scandalisé. Ah, tout à fait. Oui. Je pense pas que ce soit une raison. Mais je regarde le teint de Daniel Brière et je me pose la question, comment veut-on manger la même chose que Daniel? Ça n'a rien à voir avec McDo. C'est vrai qu'il est pas là de beaucoup. Hein? Puis je me pose une autre question. Pourquoi c'était pas grave quand c'était Alexandre Despatie qui portait le crest de McDonald's? C'est une excellente... Je me demande, qu'est-ce qui est grave? C'est-tu McDo? C'est-tu le fait que c'est déjà des archi-millionnaires qui ont pas besoin de McDonald's pour peaufiner leur fin de mois, là, on s'entend. Je me demande, il est où le bug de ces gens-là, la grogne de qui, là, on l'a su, mais pourquoi, je comprends pas encore. Ben, je vais te faire entendre un extrait d'une entrevue qu'a réalisé notre collègue Dominique Morin un petit peu plus tôt aujourd'hui, avec Corinne Voyer, Madame Voyer, et la porte-parole principale, la présidente, je pense, de la coalition Poids, qui s'inquiète énormément de cette association, donc, entre Brandon Gallagher, entre Daniel Brière et les Canadiens de Montréal et les restaurants McDonald's. Je te la fais entendre. Bien, en fait, ce qui nous choque, c'est que McDo utilise des héros pour attirer une jeune clientèle dans ses restaurants. Puis, on sait que les héros, de plus en plus, ont pas mal plus d'influence que les propres parents de ces jeunes-là. Donc, le DG de McDo aurait dû dire autour de la table, ça nous prend des losers. Bien, pourquoi pas? Arrêtez, voyons donc, c'est pas sérieux ce que vous me dites là. Mais non, mais c'est des compagnies qui veulent s'associer avec des vedettes, là. C'est pas très nouveau, là, comme concept, là. Non, mais avec la problématique d'obésité qu'on a au Québec présentement, nous autres, c'est sûr que ça nous préoccupe de voir qu'on est enseveli de publicité de malbouffe, puis que toutes les industries actuellement utilisent les tactiques les plus virulentes possibles pour continuer d'avoir une clientèle fidèle. Les tactiques les plus virulentes possibles, comme si c'était la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on associait des joueurs de hockey à un produit de consommation qui intéresse les jeunes. Évidemment, on veut pas à tout prix se comparer aux Américains, mais j'ai pas senti ça toller quand Michael Jordan, pas Brandon Gallagher, là, Michael Jordan et Larry Bird ont endossé le produit pendant des années. En plus, est-ce que la communauté de la musique s'est égosillée, Vince, quand c'est Justin Timberlake qui s'est mis à chanter les tonnes de McDo? C'est peut-être moins pire parce que c'est un artiste. Oui, mais c'est pas grave. Qui est mille fois plus riche que Brandon Gallagher. Mais c'est un modèle pour la jeunesse. Il y a plein de jeunes qui veulent ressembler à Justin Timberlake. Moi-même, je veux ressembler à Justin Timberlake. Ça a accroché par rapport au jeu puis la nouvelle boîte du Joyeux Festin aussi. C'était comme trop attrayant pour les enfants. Ben oui. C'est pas juste une question de partenariat avec des joueurs de hockey non plus, là. Et moi, j'accroche sur le mot héros. Je serais prêt à gager un bon montant d'argent que cette controverse, s'il y en a une, ne serait pas arrivée si c'était une association entre McDonald's et Superman. Et Superman, c'est un héros qui rallie des enfants. Oui. Hein? Exact, ou Spider-Man, ou Hulk, ou prenez celui que vous voulez. C'est parce qu'ils le font déjà, là. Hein? McDo est déjà associé à des personnages pour enfants qui les attirent énormément. Je sais, je n'ai un, moi, de 7 ans, qui tripe chez les super-héros, sur les Avengers et compagnie. Puis à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage McDo, je t'annonce qu'il veut y aller en tabarouette parce qu'il le veut à TV, puis il veut l'avoir, ou il l'a vu passer à quelque part. Fouille-moi comment il fait pour le savoir, mais il le sait, puis il veut y aller chez McDo pour l'avoir le personnage. Je pense qu'il va vouloir encore plus y aller quand le prochain, nomme-moi le héros va sortir, le prochain Thor va sortir peut-être, là. Associé à McDo, ils vont vouloir pas mal plus y aller que quand Brandon Gallagher va scorer un but. Puis il va se dire, hey, moi, si je mange du McDo, je vais scorer des buts comme Brendan Gallagher. Et en passant, est-ce que c'est vraiment les héros des Canadiens de Montréal actuellement, Gallagher puis Daniel Briand? Gallagher est particulièrement apprécié. Moi, je l'aime bien, là. Je le trouve bon. Est-ce que c'est un héros actuellement avec les Canadiens de Montréal? Gallagher est particulièrement apprécié, surtout des plus jeunes. Ouais. C'est un joueur qui se démarque sur la glace avec son chien. C'est vraiment pas le plus talentueux. D'ailleurs, il est moins talentueux que Galchenyuk, qui va rater 6 semaines en passant, une grosse blessure à la main. Non, Brendan Gallagher, c'est non, les jeunes l'aiment beaucoup, je comprends. Moi, je l'adore aussi. Il est combatif, puis il lâche pas. Ben, OK, à la limite, c'est pas Subban, mettons. Ouais. Mais c'est pas... Si ça avait été piqué, peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais quasiment pu comprendre un petit peu l'inquiétude. Là. Mais même encore. Ouais, mais Trio Subban, il coûterait 11 piastres, puis ça prendrait 4 jours à digérer, là, tu comprends? Ça serait too much, comme Bernal Carr. Peut pas y aller avec ça. Ouais, piqué, il aurait voulu genre 8 boulettes, puis 15 tranches de bacon, 4 étages de sauce, là. Pas de salade, évidemment. Est-ce qu'un trio Carey Price aurait eu du fromage suisse à l'intérieur? Oh, c'est facile. Incroyable. Quand même. Tu penses deuxième gardien du Canada? Quand même, là. Quand même, t'as raison, Vince. Moi, j'adore Carey Price. Faut que tu l'adores jusqu'à après les Olympiques. Après ça, t'as le droit de recommencer à l'ailleurs si tu veux. Mais pendant les Olympiques, t'as pas le droit. Je suis un partisan du Canadien depuis que j'ai 3 ans. Parce que tu sais ce qui arrive dans ce temps-là, nous autres, on réclame les passeports. Effectivement, oui. OK, donc vous avez ramassé celui de Denis Gravel, là. C'est fait, j'espère. On te fait ça? On leur avait demandé de les laisser à l'entrée. OK. Bon. Lui puis Jérôme. Parfait. Bref. José qui prenait pour les Américains. Ah, je me rappelle bien. C'est un peu. C'est quand même digne de mention, malgré que je vomis dans ma bouche. Je vais revenir à l'histoire des hamburgers associés aux joueurs des Canadiens de Montréal et à cette espèce de grogne, comme il est écrit dans le journal, que ça a généré. Alors que jusqu'à maintenant, il y a juste un groupe qui s'est plaint, la coalition poids, en disant que c'est un bien mauvais exemple pour notre jeunesse et en parlant de tactiques de marketing virulentes. Est-ce que c'est si virulent que ça? Notre analyste en matière d'image, Fred Proulx, est en ligne. Je pense que c'est un sujet qui l'allume un petit peu. Salut Fred, comment ça va? Ça va super bien. Bon, d'abord, bonne et heureuse. Oui, vous aussi, bonne et heureuse. Merci beaucoup. T'en penses quoi? Est-ce que c'est une tactique de marketing virulente? Non. Non. On a déjà vu plus virulent que ça ou plus viral que ça. Par contre, je pense que c'est une bonne idée des créatifs de réassocier un peu puis de redynamiser un peu la marque pour le volet Québec de l'histoire parce que c'est une marque canadienne, McDonald's. Vous savez, c'est pas une surprise pour personne, mais le Québec s'affaiblit dans le Canada en termes de pouvoir de marque et de financier aussi. Là, je n'apprends rien. Et souvent, les grandes marques nationales oublient un peu notre marché. Alors, ce qui est fait pour le Québec, soyez-en certains, des fois, si c'est une initiative précise, il ne faudrait pas surprendre qu'il y ait un joueur des Leafs un jour qui fasse la même chose avec le trio Kadri ou Ty Domi avec les Big Mac ou autre chose. Là. Mais si c'est une initiative Québec... Ben, ça permet un peu plus d'associer la marque McDonald's à un volet très, très, très québécois et montréalais, si on veut, qui est Brendan Gallagher. Ben, quelque part, Fred, c'est pas une discréditation du travail parental, là, de s'insurger là-dedans, pis... Ben, moi, je suis un peu d'accord qu'il faut... Tu sais, on remplacera jamais les parents. C'est juste que il y a toujours un réflexe. Puis tu sais, c'est le premier. Les Tim Hortons sont pas toujours mieux, là. C'est des bangs, là, petits affaires de même. C'est pas toujours la meilleure nouvelle pour les gros, là. Et pourtant, ils sont associés à Sidney Crosby. Oui. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis, moi, je suis pas surpris qu'on associe le sport à la récompense, slash, à le fait on a bien joué, puis on va aller au McDonald's après. Il faut juste aller dans les arénas pour savoir que les parents, ils vont avant, après ou pendant. Exact. Mais il reste que c'est une habitude de consommation qui est forte. J'aime l'idée que c'est de la création québécoise. Ça fait vivre une certaine industrie. Mais de là à s'insurger, je pense que c'est un peu fort. Parce que, comme vous avez dit, faut pas remplacer les parents. Là. Mais ça reste efficace, par exemple, Fred. On se racontera pas d'histoire. Même au Québec, si on parle d'athlètes professionnels versus des enfants, il reste que c'est un terreau fertile. Ben c'est sûr. Puis, tu sais, c'est pas tout à fait dirigé. C'est ça qui est... Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure en disant si on s'associe à Superman demain matin, il y a combien de films qui s'associent à des grandes chaînes de restauration? Tous. C'est un peu la même chose. Tous. Alors, à ce moment-là, dans le cas de Gallagher, oui, c'est intéressant parce que, oui, il s'adresse à un public plus jeune encore. Fait que c'est un peu biaisé. Ils sont un peu sur la ligne, selon moi, de l'éthique par rapport aux enfants. Un petit peu sur la ligne. Parce que Gallagher représente un peu le genou, en plus. Alors, le plus jeune de la gang. Puis la pub est faite en sorte qu'on demande s'il y a un jouet qui vient avec le trio. Alors, tu sais, c'est un peu... On adresse ça pour les plus jeunes, là. Et ceux qui achètent des jouets de Gallagher, c'est pas des gens de 40 ans. Alors, tu sais, c'est vraiment... On essaie de rajeunir la base. Pour le Canadien, je sais pas qui est rétribué là-dedans, mais c'est une bonne nouvelle. Là. C'est pas mauvais en soi. Là. OK. Est-ce que ça a l'effet que craignent ceux qui décrivent ce genre de publicité-là? Est-ce que effectivement, lorsqu'un jeune voit une publicité qui implique un athlète qui l'admire, ça l'incite à vouloir le produit qui est annoncé? C'est un ensemble de composantes, mais c'est certain que lorsqu'on crée une émotion avec la campagne, lorsqu'on, vous savez, si vous, si vous étiez le 11 septembre 2001, tout le monde s'en souvient, ou si vous étiez le 14 juillet 2014, 2012, on s'en fout un peu, là. T'sais, ça n'a pas le même impact émotionnel pour vous. Ce qui est le cas, c'est que lorsqu'ils sont, on va dans un aréna, puis si on, on joue au hockey, on a une, comme un événement, là. Avant, on se prépare, après ça, on va à la game, après ça, on sort de la game. Mais s'il y a des patinoires, pis des bandes sont tapissées de fast-food, pis ça fait partie de la culture, il n'y a rien de mieux qu'une gang de chums de 8 ans ou 9 ans ou 10 ans qui, après une game, s'en vont tous au McDonald's. Mais je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'être 14 joueurs de hockey au commensal. C'est pas le même feeling. Alors, les croutons à l'ail, c'est pas pareil. Dans ce sens-là, c'est pas du tout la même attitude. Puis je pense pas, hey, on s'en va tous manger une salade. T'sais, c'est, ça, pas, c'est un peu ça, là. Non, c'est, d'accord. Et on dit que c'est les garçons qui sont principalement attirés par ce genre de publicité-là. Je comprends que pour le hockey, ça, c'est peut-être même une sorte de no-brainer. Tu sais, les gars sont plus intéressés au hockey que les filles. Quoique, il y a quand même beaucoup de filles qui jouent au hockey et qui suivent pas mal ce qui se passe présentement et qui trouvent cute les joueurs. Puis bon, bon, toutes sortes de toutes sortes d'autres raisons. Est-ce que ça c'est mesuré? Est-ce que ça c'est vrai qu'effectivement les ce genre de campagne-là chez les jeunes garçons ça a une grande efficacité? Ben, il faudrait le voir aux ventes par la suite pour le trio Gallagher. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment fait un trio dans ce cas-ci. Mmh. Donc, c'est pas juste une association pour une figurine ou un petit jouet, mais c'est sûr que ça a un effet d'entraînement. Puis c'est ça qui est important. C'est plus on est jeune, plus on relie sur des gens, en tout cas en peu de nombre, qui sont influents pour nous. Nos parents, nos amis très proches, notre coach, notre entraîneur. Si ces 7-8 personnes-là en parlent ou vous témoignent leur intérêt, vous allez de facto un peu le prendre. Puis vous avez juste à penser à ce qu'on appelle le bouche-à-oreille. Si on en parle, ben les autres vont en parler. Donc, il suffit juste qu'un joueur dans la chambre, pendant qu'il s'habille ou après, dise « On va te manger chez McDo, il y a un trio Gallagher, il y a 4 boulettes là-dedans. » Ben là, à ce moment-là, l'effet viral se fait à partir de ce moment-là. Et mais normalement, ça voyage beaucoup plus, en effet, entre jeunes garçons qu'entre jeunes filles, qu'on parle de fast-food. Là. OK. Mais c'est pas avec n'importe quel produit que ça marcherait, par exemple, Fred. On se racontera pas d'histoire après-midi. Ça reste du maudit McDo que les jeunes vont vouloir manger pareil que Brandon Gallagher, Daniel Brière ou Gord Donnelly, ils soient associés ou pas. Tu sais, ça changera pas grand-chose à quelque part. Ils vont vouloir y aller pareil au McDo. Là. Oui, ben c'est sûr que s'ils arrêtent demain matin de faire de la pub, un jour, ça va disparaître. C'est comme n'importe quoi, parce que c'est pas un besoin si primaire que ça d'aller chez McDonald's en tant que tel. Le problème, c'est tout ce qui vient comme la routine de consommation. Si vous allez en tournoi, vous vous déplacez, vous voulez aller à quelque part que vous connaissez, vous voulez pas de risque. Puis plus vous avez de risques possibles, moins vous allez choisir. Fait que quand vous voyez un McDonald's, que ce soit à Victoriaville, à Trois-Rivières, à Rimouski, en tournoi, ça va vous aider à vous repérer. Puis souvent, vous allez retrouver des adresses ou d'autres gens du tournoi. Puis c'est à chaque semaine, il y a un tournoi, là. À chaque fin de semaine, il se passe quelque chose. Alors, il faut pas le voir comme une action isolée, mais il faut vraiment y penser en ce sens que plus ils vont continuer à faire des initiatives locales comme celle-là, puis à s'identifier à des produits locaux pour lesquels les jeunes ont une grande émotion, puis il va être facile pour eux de faire un pouvoir d'association avec la marque. Qu'est-ce que tu penses qui corrompt plus l'enfant? Permets-moi d'utiliser le terme corrompt. Ouais. C'est-tu leur gilet au niveau mag qui a déjà le logo de McDo ou Tim Hortons, ou bien c'est le trio Brandon Gallagher? Ah, c'est toute l'association qui est autour. Ouais. Parce que c'est juste des relances. Ça, c'est un peu comme attiser le feu. Ouais. Mais c'est clairement le fait que si vous allez dans chaque patinoire, il y a une affiche de McDonald's dans chaque aréna. C'est sûr, ben, ils l'ont sur la poitrine. Ils l'ont sur la poitrine. Il y a les cadres de Morton. Puis, je vous dirais, c'est juste qu'on enlève l'intelligence aux parents. Puis là, c'est là le problème. C'est, l'éducation revient aux parents, revient pas à McDonald's. Benoît Gallagher, il peut y aller une fois par semaine. Et je pense qu'il a un régime de 5000 calories par jour. Si moi, je mange ça, je vais ressembler à ce que je ressemble aujourd'hui. Mais je devrais m'améliorer un peu. Mais il reste que ça n'a aucun bon sens. Par contre, vous avez une game à chaque semaine, puis vous y allez là trois fois par semaine, mais là, c'est une question d'éducation. Okay. Et eux, ils savent très bien, là. Et là, c'est là que, moi, souvent, ces organismes-là, à la défense de tout et de rien, souvent, c'est à eux de faire de la sensibilisation auprès des parents, parce qu'il reste qu'on ne remplacera pas un parent par une annonce de Brandon Gallagher. Ouais. Est-ce que la performance des joueurs peut avoir un effet sur l'efficacité de la campagne? Daniel Brière, depuis qu'il est arrivé à Montréal, moi, j'aime bien ce gars-là, là. Mais bon, il aurait pu être plus efficace qu'il ne l'est depuis qu'il est arrivé. On va dire ça. Il n'a pas encore croisé Giroux, Hartnell, puis chercher repère un peu. Oui, disons que il cherche un petit peu sa patinoire, puis ça apparaît dans ses performances. Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce genre de campagne-là? Le fait que ce soit pas le héros, comme il a dit, ceux qui sont bien fâchés de voir une campagne pareille arriver? Mais moi, ce que je pense, c'est que Daniel Brière joue le straight man, un peu comme Dominique et Martin. Là. Okay. Il joue vraiment le straight man à la Gallagher. En fait, c'est lui qui fait la petite blague à la fin quand il dit est-ce que ça vient qu'un jouet? Puis il vient un peu situer le jeune et le vieux, puis là, il se taquine un peu là-dedans. Fait que je pense pas qu'il va avoir juste un café avec une petite patate douce, là, comme trio Daniel Brière. Mais tu sais, ça joue un petit peu aux jeunes retraités à devenir. Là. Et à ce moment-là, je pense que c'est plus le concept qui fait en sorte que c'est lui. Puis honnêtement, entre vous et moi, c'était peut-être les seuls qui pouvaient se payer ou se permettre dans la catégorie E-Price, ils auraient jamais signé ça. Subban non plus. Puis même dans leur plus grand rêve, là. Parce que eux, ça va être des contrats de commandite beaucoup plus grands. Tu sais, les Nike, les Reebok de ce monde. Puis on a juste à penser à Subban. Ça va être des contrats qui vont s'apparenter à toute échelle canadienne à la Tiger Woods, là. OK, c'est ça. Alors, on parle d'une autre game. Là. Daniel Brière peut signer ce qu'il veut via le Canadien avec Cossette ou avec les agences impliquées, mais jamais vous verrez Subban ou une grande star de Ligue nationale demain matin signer ça. Là. Et officiellement, juste parce que tu parles de Tiger, ça vient de sortir par rapport à ses gains en carrière. Tiger Woods, le premier athlète milliardaire, ouais. Se serait fait à 1,3 milliard de gains en carrière. Ouch! Ça va mal, hein?